Covoiturage réduit. Les coûts de déplacement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Les rejets de gaz polluants? Oui, réponse C. Non, réponse D.